simplement, j'écris une petite bafouille pour te dire simplement que tu me casses les couilles. J'ai entendu à la radio que tu voulais fermer chez nous les agelots, notre belle maternité. On va pas se laisser faire, on va agir, va se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir. Est-ce que tu veux faire mourir pour faire des économies? Sans cœur, sans peur, sans réfléchir, la région te peut rentrer. Cette mesure complètement débile me fout les jetons. Je découvre, et c'est puéril, qu'on est tous des moutons. On va pas se laisser faire, on va agir. On va se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir. Toi tu te tournes vers Moutier et tu oublies la joie, alors que notre petite cité fait partie du Jura. Moutier, c'est pas le pied, et la joie c'est la joie. Coincé dans sa petite vallée, les monts tu le juras. On va pas se laisser faire, on va agir, pas se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir. Je ne me sens plus jurassien, je ne me sens cajolot. Tu as tué, ça fait rien, ma patrie, mon ego. Ma bafouille est terminée, et si t'as pas compris, le fond de ma pensée, c'est que t'es un abruti. On va pas se laisser faire, on va agir. Va se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir. On va pas se laisser faire, on va agir. Va se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir. Encore une fois. On va pas se laisser faire, on va agir. Va se mettre la tête dans la terre, on va pas souffrir.